promis qu'on bangue ça. Et pas ami, faut de par na la vie, Kambouya et Palé. Nana et Mion Soba, comme y'en des conseillers, Bobo Yanga dit, Sala Soba. Yoko qui m'a moula na radia et Palé. La compagne a goûté na banda yuki, et qui kira fait comme une bâle. Sayo, boni moya zambe, sana sukate.